Vous écoutez RITM, le réseau indépendant de transmission magique. Bienvenue sur les ondes magiques de la rythme. Dans ce cinquième épisode, vous retrouverez vos chroniqueurs préférés, Elena, Aïlis, Pruno et moi-même, Purple. Avant de commencer, Pruno a une petite annonce à vous faire. Oui, merci Purple. Alors effectivement, une petite annonce pour tous ceux qui nous écoutent directement depuis le site de la RITM. Il y a donc un lecteur intégré sur le site de la RITM qui vous permet d'écouter en ligne. Mais je me permets de vous conseiller, si possible, de télécharger tous les épisodes sur votre ordinateur, soit par le lien direct, soit en utilisant iTunes, qui du coup les téléchargera automatiquement. Ce qui présente le gros avantage, que vous pouvez écouter un seul épisode en plusieurs fois, parce que vous pouvez faire pause et revenir au même endroit le lendemain, ou encore vous pouvez l'écouter sur votre lecteur MP3 ou votre iPod, ce qui rend l'écoute beaucoup plus pratique et beaucoup plus agréable. Actualité. Les infos de ce début de mois de juin. Gallimard a révélé le titre français de la 7e biographie de Harry Potter, Harry Potter et les reliques de la mort. Cette traduction n'est pas de Jean-François Ménard car il voulait attendre d'avoir lu le livre. La version française sortira dans notre pays le 26 octobre 2007. Le Polar Express sillonne la France pour préparer à la sortie du film Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Du 19 au 30 juin, il passera à Paris-Nord, Metz, Lyon-Perrache, Montpellier, Marseille-Saint-Charles, Bordeaux-Saint-Jean, Tours, Nantes, Rennes et Lille-Flandre. Un jeu concours organisé par la SNCF peut vous permettre de monter à bord du train et de gagner des prix Harry Potter. Mais dépêchez-vous, les inscriptions au concours ferment bientôt. La couverture de luxe de Harry Potter and the Deathly Hallows de l'édition américaine Scholastic a été révélée. On peut y voir Harry et Hermione avec leur cape déchirée, tous trois montés sur le dos d'un dragon survolant un petit village. Marie Grandpré, l'illustratrice des couvertures américaines, a dit dans une interview que des détails de grande importance étaient présents sur la couverture américaine où on voit Harry et Voldemort. Retrouvez sur la Gazette du Sorcier les dernières informations concernant le jeu vidéo de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Vous pouvez y voir les différents making-of du jeu pour la musique. Une centaine de photos inédites de l'Ordre du Phénix sont disponibles, notamment avec Percy Weasley, Lily, Kingsley et bien d'autres. Le rêve pourrait devenir réalité. Gallimard serait en négociation pour que J.K. Rowling vienne en France d'ici la fin de l'année. Bien sûr, ceci reste encore du domaine de la rumeur. Le courrier des lecteurs. Voici donc une nouvelle rubrique, la rubrique courrier des lecteurs. Vous pouvez nous envoyer vos messages à l'adresse mail ritm@gazette-du-sorcier.com. Et on a reçu un mail il y a une semaine au sujet de ce qu'on disait dans l'épisode 3 de la RITM sur donc la couverture enfant anglaise du tome 7. C'est donc Léonie G qui nous dit « Par rapport à l'armure quand le coin gauche de la couverture, vous n'étiez pas d'accord sur le fait que ce soit un dragon ou autre chose ?» En fait, j'ai bien regardé, c'est la gravure d'un okami qui se trouve dessus. Fin de citation. Donc merci Léonie, parce qu'effectivement on s'en était pas rendu compte, mais un okami ça colle très bien. Et pour tous les gens qui, comme nous, ont totalement oublié ce que c'était, l'okami figure dans le livre Les Animaux Fantastiques. Je lis donc. Marchant sur deux pattes, doté de plumes, d'ailes et d'un corps serpentin, l'okami peut atteindre une longueur de 4,50 m. Ce qui est intéressant en plus, c'est que les œufs. La coquille des œufs sont constituées de l'argent le plus délicat et le plus pur. Donc, d'une part, la description d'un okami dans le livre correspond tout à fait à ce qu'on voit sur la couverture. Et en plus, c'est donc un bouclier, je vous rappelle, avec une créature gravée dessus. Ce bouclier est fait en argent, et on pourrait donc imaginer que ce soit fait à partir de l'argent de Dokami. Donc, merci Léonie pour ce message qui nous a beaucoup éclairé. Voilà, donc nous remercions aussi tous ceux qui nous ont envoyé des courriers d'encouragement. Donc merci à eux. Et n'hésitez pas à continuer à nous écrire sur ritm@gazette-du-sorcier.com et à nous laisser des messages audio sur Skype à gazette-du-sorcier pour nous faire part de vos théories ou encore de vos encouragements. Merci. Vos théories. Bienvenue dans la rubrique théorie. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question que tout le monde se pose. Qui va mourir? Alors, je rappelle que J.K. Rowling a déclaré dans une interview il y a à peu près un an, en juin 2006, que deux personnages qui à la base devaient survivre vont finalement mourir, et qu'un autre qui à la base devait mourir va finalement survivre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que deux personnages qui meurent en tout, il y en a sans doute bien plus que ça. C'est juste qu'il y en a deux pour lesquels elle a changé d'avis dans un sens et un pour lequel elle a changé d'avis dans l'autre sens. Alors, selon vous, qui c'est? Alors, moi, je vous propose de commencer par un personnage pas polémique du tout. Par exemple, Rogue. Alors, va-t-il mourir? Va-t-il survivre? Est-ce que notre prince, au sang mêlé, va survivre, d'après vous? Snape. Moi, j'ai déjà dit que dans l'épisode sur les positions de Rogue, que j'étais persuadé qu'il allait mourir, parce que je vois pas comment il peut survivre et que Harry comprenne quand même qu'il est gentil. Pour que tout le monde, donc Harry et le lecteur, soient convaincus que Rogue est gentil, il faut qu'il se sacrifie pour la cause du bien. Voilà, je pense qu'il y a du sacrifice dans l'air. Ouais. Je veux trop noyer dans les embrouilles jusqu'au cou pour pouvoir survivre. Ouais, ouais, ouais. Non, et puis de toute façon, il a trahi un côté ou l'autre, donc il va y avoir un problème, quoi. Il a trop d'ennemis. Oui, il va jamais réussir. Il n'y arrivera jamais. Donc nous sommes à 4 morts pour Rogue. Au revoir. Ensuite, au revoir, Rogue. Au revoir. Notre ami Petit Gros, Peter, va-t-il mourir? Oui, je pense que oui aussi. Alors, moi, je suis pour aussi, mais c'est juste parce que je l'aime pas. Je suis pas sûre, et je me dis qu'il va survivre justement parce que je ne l'aime pas. C'est le pire traître du monde. Et ben rien que pour ça, il pourrait survivre. Non, mais il a une dette envers Harry, donc il pourrait qu'ils doivent donner sa vie. Voilà, il a une dette et c'est pas forcément facile de rembourser une dette. Moi, je pense qu'il va en mourir. En tout cas, il va falloir qu'il risque sa vie. Il est déjà mort une fois, enfin, il a fait semblant de mourir une fois, il pourrait très bien faire une deuxième fois pour de bon, quoi. Justement. Ah non, moi, franchement, je suis pas sûre. Hein. Ah, qu'il meurt une fois pour toutes et basta, quoi. Ouais. Ouais, mais justement, tu sais... Mais en fait, je pense que notre problème, d'une façon générale, ça va être qu'on va toujours dire « Ouais, les méchants vont mourir », donc on va tous convaincus que Petit Gros, Bellatrix, Lucius et tout ça, ils vont mourir. Que tous les gentils vont... Moi, honnêtement, Petit Gros, il a toujours... Par exemple, moi, je suis intimement convaincu que un des deux personnages qui va survivre alors qu'il va mourir, c'est Ginny. Moi, je pense que Lupin, il voudra tuer Petit Gros, quoi, à un moment ou à un autre. Non, Lupin, c'est pas un meurtrier. Lupin voudra se venger. Lupin, s'il devait tuer quelqu'un, ça serait Greyback. Ouais, exactement. Il peut en tuer deux aussi. Hein. Ouais, mais honnêtement, moi je pense que Petit Gros il va survivre. C'est le mec qui a essayé de survivre, mais coûte que coûte. Non, lui c'est le rat qui résistera même à une bombe nucléaire. Hein. Laisse tomber. Non, mais en même temps, Harry lui a déjà fait grâce une fois. Donc, Ah, c'est pour ça. Et vous avez vu ce que ça a donné? Vous avez vu ce que ça a donné? C'est chaud de le tuer parce qu'il a perdu un bras. Bon, c'est pas la mort. Bah non, il lui a fait grâce et du coup il aurait pu mourir et puis Lord Voldemort ne serait jamais revenu. Il serait sûrement revenu, mais peut-être pas aussi. D'une manière ou d'une autre, peut-être. Mais là, il est quand même la cause du retour de Voldemort, quoi. Ouais, parce que le Barty Crumpton Jr., à mon avis, il aurait fait ce qu'il fallait. Non, moi je pense qu'il doit mourir, que de verre. Ouais. Lupin, on en parlait. Mais c'est quand même difficile de tuer que de verre parce qu'il se transforme en rat quand il veut. Et après. Tu lui donnes une croquette avec de la mort. Il peut se transformer maintenant qu'il a sa main en métal. Est-ce qu'il peut toujours aussi bien se transformer? Est-ce qu'il se transforme, mais il a une patte en métal. Du coup, il peut pas courir aussi vite. Donc, on peut peut-être l'avoir et mettre une tapette. Petit Gros qui meurt avec une tapette, jure. Avec une tapette. C'est ça qu'il faut faire, faut mettre des tapettes partout dans Poudlard. Avec un piège à rats, sinon, hein, tout simplement, un bout de fromage. Que Ron, il met des tapettes dans son. dans sa maison. Impasse des fileuses. Bon, on parlait de Lupin. Lupin, est-ce qu'il meurt? Est-ce qu'il meurt en se sacrifiant en essayant de tuer Petit Gros ou Greyback? Non, Lupin, il vit. Lupin, il vit. Il va pas mourir. Hein. Non, je refuse. Moi, je pense que les quatre maraudeurs, Petit Gros y compris, ils vont mourir. Donc James et Sirius sont déjà morts, il manque plus que Lupin et Petit Gros. Quoi, Sirius va mourir ? Quoi ? Non mais Lupin il va... Bruno ? Non mais je crois que... Je disais que tu penses que Sirius va mourir ? Sirius c'est mort. Non. Non mais Lupin je pense pas qu'il va mourir parce qu'il a trop le rôle du gars qui est... Enfin, genre le malade... Le malade de service, je sais pas, le cancéreux, psydaïque, qui survit, c'est un peu loser, qui traverse même, toutes les épreuves. Ouais, donc il faut qu'il vive, il faut que ce soit un peu l'exemple. Ouais. Parce il que en prend assez dans la gueule ouais, toute sa vie, il en prend assez sur lui. C'est un peu un modèle comme Snape, le modèle du gars qui s'est rangé du bon côté, enfin a priori. Eh ben, Lupin, c'est un peu pareil, quoi. Et donc je pense qu'il faut au moins que lui survive. En plus, c'est un mec bien, il a une nana maintenant, non, il veut pas mourir, quoi. Ouais. Il manquerait plus que sa nana meure maintenant. Ah non. Non, elle ne le fera pas. Mais non, mais c'est vrai que Lupin quelque part, enfin, il en bave tellement dans sa vie, c'est que déjà, il a tellement une vie pas, ouais, enfin, d'un autre côté, Sirius aussi, il en a bavé tellement dans sa vie puis il finit pas mourir. Ouais, c'est vrai. Mais fallait tuer l'image du père. Aussi, donc bon, Lupin, il a pas l'image du père envers non, Harry. Non, c'est pas le père, c'est plus le parrain ou je sais pas. Bruno, alors d'après toi, il meurt ou pas, Lupin ? Ouais, mais enfin, maintenant que Dumbledore est mort, on peut dire que les figures paternelles c'est fini, on peut passer à autre chose. Hein. Donc d'après toi, il meurt pas. Je pense que là maintenant, les gens qui vont mourir, c'est simplement que durant le combat, la bataille, je pense. Non, je dis juste que je pense pas que J.K. Rowling va tuer des gens parce qu'elle a besoin de les tuer. Sirius, Dumbledore, les parents de Harry, elle avait besoin de les tuer pour que Harry soit tout seul. Ouais. Mais maintenant, ça y est, il est tout seul. Les gens qu'elle va tuer, c'est simplement parce que dans la bataille, il y a des gens qui vont mourir et sauf que certains n'est pas. Toi, tu ne sais pas. D'accord. Notre amie Bellatrix Lestrange. Oh, elle va vivre. Moi, je la vois bien survivre. Elle finir sa vie encore en cachot. Ouais, moi aussi. Ouais, ou non, réussir à s'échapper, être la seule finalement des manges mortes à réussir à fuir, un truc comme ça. Oh non, moi je la recollerais bien dans Azkaban quand même. Hein. Ouais, mais avant Azkaban, Neville, il lui fait bien un sortilège impardonnable, tu vois, il la torture un peu et puis après elle retourne à Azkaban. Ça serait tellement bien qu'elle perde aussi la tête, elle. Et je pense pas que Bellatrix soit du type à chercher à sauver sa peau. Contrairement à Malfoy, Malfoy, elle est vraiment très à fond pour Voldemort et elle serait heureuse d'être une martyre. D'être morte pour la cause. Toi, tu penses qu'elle va mourir ? Toi, tu penses qu'elle va mourir ? À mon avis, elle va rien faire contre. Hein. Donc du coup, bon, évidemment, on fantasme tous sur le fait que Neville va tuer Bellatrix parce que ça, ce serait la classe. Mais Et donc et Neville, alors justement. Meurt ou il meurt pas Neville ? Ouais. Bah non, il meurt pas Neville. Neville, c'est le gars qui va devenir quelqu'un de grand et tout, qui a mal commencé et qui va. C'est aussi un modèle un peu Neville. Oui, finalement. Je suis d'accord. Moi, je le vois survivre aussi. Qu'est-ce que je vous disais là maintenant ? Tous les méchants vont mourir, tous les gentils vont non, survivre. Non, mais non, Béatrix, elle vit. Neville alors ? Moi, ça me gêne pas. J'ai jamais. Non, non. Non, Neville, non. Il va être professeur. Neville, il en bave tellement que faut que ça soit le martyr, quoi. Il va être prof à Poudlard, il va être prof de botanique à Poudlard, et voilà. Vous pensez pas ? Moi, je dis qu'il peut mourir, Neville, parce que justement. Mais donc, enfin, ça répond pas à la question. Si, en essayant de tuer Bellatrix, et ben, il meurt. Comme ça, lui, il fait vraiment le martyr, parce que comme je veux pas qu'Harry meure, et ben, on transpose la vision du martyr sur Neville. C'est bien, oui, ça, mais bien sûr. Bon, alors on sait pas. Elena, Neville, t'en penses quoi ? Moi, je pense il survit. Ok. Et Bruno, toi, Neville, tu penses quoi ? C'est concis, hein. Bon, bah, il survit. Moi, je dis que, comme beaucoup de gens, je fantasme sur le fait que lui tue Bellatrix. Et une fois qu'il a tué Bellatrix, c'est bon, il peut aller partir se coucher. Ouais, il faut qu'il tue Bellatrix, mais on sait pas si. C'est ce qu'il avait à faire, quoi. Bon, alors. Nos amis qu'on adore. Lucius et le Draco. Non, mais la question, en fait, c'est, selon vous, c'est qui... Ah, c'est qui les deux qui vont mourir ? Ouais, C'est qui les deux qui vont mourir alors qu'ils devaient survivre à la base ? Après, c'est quand même intéressant que, tu vois, enfin, elle continue à changer d'avis. Ça montre aussi que c'est pas essentiel que ces personnages-là meurent. Neville. Moi, je pense qu'il y a... C'est un Weasley, déjà. Ce sont juste... Un Weasley ou même les jumeaux, si ça se trouve. Oh non. Bah, ils sont pas vraiment utiles, hein. Elle a remplacé Ron par les deux jumeaux. Non. Je veux dire Ron Weasley, mais à tous les coups, ça sera soit Monsieur Weasley, Madame Weasley. Il survit, mais les deux jumeaux, ils meurent. Non. Moi, je veux bien tuer Neville, ce qui fera le martyr. Ah ouais, non, moi, je trouve ça pas bête. Ouais, enfin, c'est un peu cruel, quand même. On a notre martyr chez les gentils, tu vois, il en a bavé pour essayer. Par exemple, contre Ginny. Contre Ginny, mais Ginny va pas mourir. Ah non, Ginny ne meurt pas. Pourquoi elle mourrait pas ? Moi, je veux bien la voir mourir. À la base, elle devait mourir, et finalement, les jumeaux meurent à sa place. Ah d'accord, on peut mettre Ginny dedans. Ah non, non, non, Ginny, elle meurt elle pas. Elle devait mourir, Ginny, puis en fait, elle s'est dit, non, je peux pas la faire mourir, ça sera trop triste avec... Non. Et ben non, Ginny, elle meurt pas. Du coup, elle tue les jumeaux à la place. Moi, je suis pour. Non, toi, du ça coup, t'arrange, Ginny, hein, mais moi, je la vois bien mourir, ouais. Les non, jumeaux moi, je en vie, mais Ginny qui meurt, parce que Harry est mort aussi. Bah, si Harry meurt, ça serait assez logique que Ginny meure aussi. Ah oui, mais là, on va pas être d'accord. Moi, je tue Percy, ça vous gêne pas? Non, Percy, tu peux, c'est bon. On a qu'à tuer Percy, parce que si on tue pas Ginny, on tue Percy, comme ça, ses parents s'en veulent tellement. Et tu vois, ouais. Ça sera pas non plus la mort dont on se faut tuer quelques gentils, quand même. Hein. Oui, c'est un... D'autant plus que... Donc, je rappelle qu'au moment où J.K. Rowling a dit cela, comme quoi il y avait des passages qui mourraient, elle a enchaîné sur... mais vous savez, on a affaire à un combat entre le bien et le mal. Enfin, je sais pas comment elle l'a dit exactement, mais c'était sous-entendu que c'était des gentils, les deux personnes qui mourraient. Bon, Neville, il meurt. Non, non. Que c'était pas genre tout d'un coup, il s'est dit, ah bah non, bah finalement, je vais faire Voldemort. Je pense que Hagrid ne mourra pas. Bah, pourquoi pas, hein. C'est aussi un peu la figure paternelle dans le truc. Hein, oui, mais justement, parce que j'ai posé la question... Oui, mais du coup, autant le tuer avant. Oui, et j'avais posé la question à Isabelle Smadja, et elle avait dit, justement, c'est bon, des figures paternelles, je crois qu'on en a tué assez. Hagrid, il en a quand même aussi pas mal bavé dans sa vie, il a tellement fait de bourde que si on devait le tuer, on l'aurait déjà tué, en fait. Bah non, c'est beaucoup plus cruel de le tuer juste à la fin. D'accord. Non, moi je pense que c'est bon, les figures paternelles. Hagrid, dès le début, c'est une figure paternelle. Dès qu'il arrive dans le phare, dans le tome 1. Donc si on devait le tuer, c'est bon, il serait déjà mort. Hein. Puis on sent que Hagrid, pour le tuer, il en faut beaucoup parce que lui traverse les mange-morts et tout. Non, non, c'est à moitié. Dans le tome 5 et dans le tome 6, on voit bien qu'ils ont du mal à le. Oui. À l'abattre, quoi. Non, mais alors justement, c'est peut-être aussi ça le piège, ouais. Parce que du coup, on est très confiant. On se dit, ouais, de toute façon, Hagrid, il va pas mourir, c'est trop dur. Enfin, pour le tuer, déjà, il faut y aller, quoi. Et du coup, c'est de là que va venir le choc, si ça se trouve. Ouais, mais si tu tues Hagrid, qu'est-ce que tu fais de groupe? Bah, tu le tues aussi, ça y est, c'est ça les deux. Mais c'est ça les deux gentils qui meurent, Hagrid et groupe. Il repart dans la montagne. Il repart dans la montagne. C'est pas grave. Il aimait bien la montagne. Non, ça le fait bien, Hagrid et Groupe. Bah oui, Hagrid et Groupe, c'est bon. On s'en fiche un peu. Donc, ok. Alors, Lucius. Bon, alors, ah ouais, Lucius. Oh non, Lucius, il devrait finir à Azkaban. Ça serait beaucoup plus drôle. Moi, je le vois bien survivre, ouais, et qui finisse sa jour en prison, quoi. Il a profité toute sa vie, il a donné du fric, il avait du fric et plein, et vas-y, que je me la pète et que je me la joue, et là, à la fin, paf, tu finis ta vie Lucius, j'imagine qu'il est même capable de finalement réussir à s'en sortir, c'est-à-dire qu'il va survivre, mais en plus, il va réussir à se faire pardonner, à réintégrer. Moi, je le verrais bien s'en sortir. Ouais, complètement, ouais. Ça, c'est pareil, prison. C'est le cafard qui survit à l'explosion nucléaire. Voilà, finalement. C'est ça. C'est le cafard, quoi. C'est, lui, je le vois bien survivre à tout. Et même réussir à avoir une vie normale. Et Draco, alors ? C'est totalement l'antithèse de Bellatrix, là, pour le coup. Oui, tout à fait. Et Draco, alors ? Ouais, ça, c'est une bonne question. Alors, moi, je le verrais bien. Bah, Drago, je pense pas, parce que, enfin, je pense que Drago, c'est un personnage qui, sur le long terme, est très intéressant. Elle veut nous faire passer un message avec lui. Genre le coup du mec qui a toujours été élevé comme étant méchant et qui, en fait, n'a pas un mauvais fond. La preuve, il a pas réussi à tuer Dumbledore et tout. Mais pour qu'il devienne, pour vraiment qu'il ait l'occasion de se rattraper et tout, ça va pas marcher s'il meurt à 18 ans. Donc, parce que bon, juste le fait qu'il sacrifie pour Harry, j'y crois pas. Et du coup, si elle veut nous faire croire qu'en fait, il était pas si méchant que ça, donc il était pas super gentil, mais c'était pas non plus un gros mange-mort, il va lui falloir qu'il survive jusqu'à la fin pour montrer en fait voilà, il a réussi à mener une vie normale, il a même pas été pas cherché à corrompre qui que ce soit ni rien. Ouais, donc pour ça je pense que juste histoire de me faire passer le message, il faut qu'il survive. Ouais donc si on veut pas, moi je vois aussi cette grande opposition, les bons d'un côté, les méchants de l'autre, et il faut qu'il survive, lui. Ça se tient. Ouais, mais moi je le vois assez mourir aussi, parce que c'est quand même le personnage qui comment dire, ça ferait un peu le personnage justement qui, finalement, il a pas eu de bol, quoi. Toute sa vie, il a pas eu de bol. Il a été. Et en plus, il meurt à la fin, d'accord. Bah ouais, mais voilà, c'est ça, c'est vraiment le martyr, quoi. Je veux dire, il a eu une éducation particulière, et puis quand il s'est rendu compte que c'était pas bien, c'était déjà trop tard et il a payé, quoi. Je sais pas. Je vois bien mourir aussi. Bon. Et donc, si on enchaînait sur... Enfin bon, la question principale, quand même, qu'on n'a pas encore commencé... C'est notre trio et Voldemort. Ron, Hermione et Harry. Et Voldemort. Oh, bah Voldemort, il meurt, ça c'est emballé. D'accord. Mais est-ce que tu crois pas qu'il reste un petit bout quelque part ou Ouais, un petit truc caché encore. Genre un petit... À la fin du générique, veux en dire, fait... Anna, mais nous savons tous deux qu'il y a des choses bien pires que la mort. Non, mais je pense qu'il va mourir quand même. Je pense vraiment pas qu'elle puisse faire ça. Non, je suis d'accord, mais est-ce que tu crois pas qu'on pourrait pas avoir un petit... Alors, on regarde jusqu'à la fin du générique et en fait... Oui, mais là, c'est un livre, hein, Purple. Oui, mais je pas, c'est avoir le petit... Non, d'accord, on est tous d'accord qu'il faut bien qu'il meure, sinon elle finira jamais sa saga. Il faut que ça termine. Bah, moi, je pense que le trio, ils vont tous les trois survivre. Donc, je suis peut-être un peu optimiste, mais je pense que... Oui. Moi, je pense que Harry va survivre et qu'il va se marier avec Ginny. Bien sûr. Et pour Ron et Hermione ? Ron et Hermione, on verra bien. Non, moi, je pense plutôt que c'est Harry et Ginny qui meurent. Et Ron et Hermione qui survivent. Bah, s'il y en a qui doivent mourir dans le trio, c'est Harry et Ginny, pas Ron et Hermione. Ron et Hermione ne peuvent pas mourir. Ouais. Pareil, moi je pense que Ron et Hermione, ils peuvent pas mourir, on peut pas y toucher. Mais de toute manière, ça fait plus de 7 tomes qu'elle nous fait poireauter leur histoire d'amour. Pour mourir à la fin, c'est impossible. Harry, évidemment, ça peut être le martyr qui se sacrifie. Justement, ce serait trop bien. Ah non ! Non, parce que tu vois, ce serait immonde. Ce serait immonde, mais non, ça peut pas dire qu'elle va pas le faire. Mais tu peux faire mourir Harry et Ginny, parce que elle a tué Dumbledore quand même. Hein. Oui, moi je suis d'accord avec Carpal. Oui, tu peux tuer Harry et Ginny parce qu'ils ont conclu quelque part. Ron et Hermione, toujours pas. Non, Ron et Hermione, c'est un peu les survivants à la fin. À mon avis, dans l'épilogue, c'est surtout eux qu'on va voir. Et, oui, eux plus tard avec tous leurs petits rouquins. Avec leurs petits rouquins, voilà. Voilà, leurs petites rouquines, bien sûr. Ouais. Ginny peut mourir parce que dans ce cas-là, pris d'un accès de rage, et ben ça y est, il se décide à tuer Voldemort là comme ça froidement. Et Harry, c'est de martyr bien sûr. Mais je pense que Harry et Ginny c'est très lié quoi finalement. Je pense que ce sera l'un ou enfin ce sera les deux ou rien du tout quoi. Non, je ou pense l'un pas ou qu'elle va en tuer un des deux. Je pense pas. Oh si, parce que comme ça l'autre sera malheureux toute sa vie. Oui, mais ça c'est vraiment c'est pas le but du livre non plus quoi. Oui, mais c'est pas le but. Le but est de montrer, regardez comme ils sont méchants les méchants, ils ont tué plein de gens. Ouais. Ouais, non, mais moi je pense que ce sera les deux ou aucun, quoi, à mon avis. Je suis d'accord. Et à la limite, quitte à avoir quelqu'un de malheureux toute sa vie, autant que ce soit Ron ou Hermione. Oh non, parce que là, pour le coup, non, j'aurais dit autant que ça soit Harry. Pendant 7 ans, parce que Harry lui arrive déjà tellement de trucs, donc de toute manière, qu'il soit malheureux toute sa vie, c'est pas étonnant. Non, mais il va se suicider là, Harry, si tu dis. Qu'est-ce que t'en sais, il peut toujours trouver une fille. Que, est-ce que ça serait pas plus triste pour lui que ça soit Ron ou Hermione qui meurt ? Il y a de Cho, hein. Il peut retourner chez Cho, on s'en fout. De toute manière, Cho est représentante d'une marque de cosmétiques moldus, donc c'est grave qu'elle meurt. Hein. Ouais, on s'en fiche, elle s'est retirée de la vie sorcière. Ouais, ouais. Non, mais Ginny, je pense que ça va dépendre du destin de Harry. Et, je sais pas, je pense que Harry a suffisamment souffert pour que soit... À la fin, il meurt et puis c'est réglé. Soit il a une belle vie, quoi. Mais un des deux. Et pas un truc au milieu où. Justement, elle va nous faire un truc voilà. Bâtard. Justement. Parce que non, ça, pas un truc ça serait trop bien. D'autant plus que ce sera juste. Mais non, mais ce serait juste un chapitre. Tu vois, ce serait même pas émouvant. Il n'y aurait pas de oh le pauvre. Ce serait juste. Ok, on passe. En un paragraphe, on dirait Harry a été malheureux toute sa vie. C'est pas génial. Non, ça le fait pas. Ça le fait pas. Soit il est heureux, soit il meurt, quoi. Ça le fait pas. Je suis d'accord. Ça le fait pas. Enfin. Donc le trio, finalement, on n'est pas tout à fait d'accord entre nous là. Mais, ouais. Bon, on verra bien. Voilà. Non, mais de toute façon, on n'est pas d'accord sur grand monde. Hein. De façon générale, on veut que les méchants meurent. Et il faut surtout pas que Ginny meure, ça c'est mon avis personnel. À part ça. Ouais. Et Luna, quoi qu'il en soit, je pense qu'on va tous pleurer à la fin parce que parce qu'on sera pas d'accord avec ce qu'elle aura décidé. Voilà. Il y aura deux morts. On sait pas qui c'est, mais on va en pleurer quoi parce que ce sera tellement triste. Deux morts plus les autres qu'elle avait déjà. Il n'aura plus que deux, hein. Ah bah oui. Mmh. Oui. Non, mais on va pleurer parce que c'est la fin, parce qu'il y aura des morts. Parce que... Enfin, moi, je vais pas pleurer sur la tombe de Bellatrix. Si, moi si. C'est la première. Pauvre ma ville. Méchante, il va mourir. Et Luna, alors ? C'est pas grave. Ah oui, on va peut-être finir par Luna. Mm-hmm. Luna, honnêtement, je vois bien ça. Je vois bien Luna comme étant un personnage qui peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Mm. Non, mais Luna, c'est un peu l'outsider. Ça pas, enfin, Voilà, je suis pas Nojiko, vraiment elle a d'avis facilement là-dessus, changé moi. d'avis sur Luna, parce que c'est quelqu'un Calmer pour qui t'as pas, pas elle est forcément tout s'en fout. Une destinée prévue à l'avance. Non, ouais, je suis d'accord. Ouais, elle n'est pas autant, impliquée à fond dans l'histoire. Autant pour plein de gens, je pense qu'elle sait depuis longtemps ce qui va leur arriver, Luna, pas forcément. Ouais. Alors, rapidement, les Weasley. Qui meurt, qui vit chez les Weasley? Bah, on en a déjà un peu parlé. Les jumeaux, il est possible qu'ils meurent. Ginny survit. Ou de survivre. Percy, j'aimerais bien qu'il meure parce que je l'aime pas. Et Bill, à mais mon avis, Arthur va pas Molly mourir aussi, parce hein. qu'il en a déjà bavé. Moi, je pense. Puis... Il y a Arthur et Molly aussi, hein. Qui sont quand moi, même pour moi, animée. Molly, elle peut mourir. Mais Molly, je pense que si elle voulait la tuer, ce serait arrivé dans le tome 5, comme Sirius. Comme Hagrid aussi. Elle peut mourir. Maintenant, après. Ça sert plus à rien. Enfin, on a tué les figures du père, autant tuer les figures de la mère en même temps. Là, ouais, ça sert plus à rien qu'elle meure. Et comme ouais, elle n'est pas parce vraiment que Harry plus dans la guerre, ce sera dur. Ouais, ouais, d'accord. Et voilà. Si, en fait, ça sera des dommages collatéraux de la guerre, s'il y a des Weasley qui meurent. Ah oui, de toute façon, ouais, de toute façon. D'accord. Mais ça me paraît un peu gros qu'ils survivent tous, quoi. C'est... Ils sont trop nombreux pour tous survivre. Bah oui, il y en a beaucoup. Tu en Percy. Ils ont déjà été bien blessés entre Arthur, non, mais on ne peut Ron, pas tuer juste Ginny. Percy. Si, enfin, t'as une famille de neuf, c'est pas comme par hasard le seul que t'aimes pas qui va mourir. Si, c'est bien. Ouais, non, voilà. Je sais pas. Donc nous avons décidé de tuer... Je pense qu'effectivement, faut que soit Ginny, soit Ron, soit les jumeaux, ils passent, quoi. Ou un des deux jumeaux. J'imagine s'il y a un des deux jumeaux qui meurt et pas l'autre... Ah non, ça c'est horrible. Je vote contre. Ça c'est vraiment horrible. Donc je vote pour tuer, au final, Rogue, Pettigrew, Bellatrix, Voldemort, Lucius, Drago... Et voilà. Oui, que des méchants, quoi. Liste, hein, c'est une voilà. Non. Non, c'était évidemment une boutade. Non, Rogue, ouais, Drago. C'est assez bien comme conclusion, mine de rien. Tuons tous les méchants, gardons tous les gentils. Et oui, que pourquoi pas. C'est cool. C'est parfait. Non, moi je dirais merci. Rogue, Drago, un ou deux Weasley, Hagrid. Voilà. Non, à ma liste, je rajoute Neville, je suis sûre qu'il va mourir. Non, pas Neville, il va pas mourir. Voilà. Moi je verrais bien, ouais, un ou deux Weasley, peut-être Luna aussi. Et un adulte à la soit Lupin, soit Hagrid. Pas Lupin, Hagrid. Elena bah, dans les manches morts, c'est pas très joyeux. Je vois bien Pettigrew et. Ouais, donc Voldemort, enfin, j'ai pas trop d'avis, quoi. Je sais pas trop ouais, au niveau manches morts. Et bah, du côté des gentils, bah, je vois bien donc Harry, Ginny. Même tête Lupin. Waouh. Non, et un mais ou deux Weasley, je sais pas. Elle tue tout. T'es à l'EDP, toi. Il faut se sacrifier. Eh ben, dis donc. Bon, eh ben, donc la conclusion, en fait, c'est que Elena est vraiment cruelle. Voilà. Et voilà. Vous pouvez donner aussi votre avis. Bien sûr, vous pouvez nous envoyer votre avis. The Deathly News, les nouvelles de la mort qui tue. Les couples de l'été, les très glamour, Bill et Fleur Weasley, attendent un heureux événement. La nouvelle génération Weasley est attendue pour l'automne. Les paris sont ouverts quant à leur couleur de cheveux. Ginny Weasley, célibataire. Après avoir provoqué des émeutes à Poudlard et être sortie avec Michael Corner, Dean Thomas, Pruno et Harry Potter, la dernière des Weasley est maintenant un cœur à prendre. Avis aux amateurs. Trahison chez Madame Pied-Dodu. Rémus Lupin aurait rompu avec l'Aurore Nymphadora Tonks pour rejoindre le petit chaperon rouge. En effet, on les aurait aperçus sirotant un jus de yaourt avec une seule paille dans l'antre de l'amour de Préolard. Kerner Rose, Argus Rissard, concierge et Irma Prince, bibliothécaire, sont heureux de vous annoncer leurs épousailles. La cérémonie aura lieu à l'hospice Saint-Loutre-sur-Mer. Priez d'apporter vos chaises. Mode animal. À sa sortie d'Azkaban, Bellatrix Lestrange a adopté la coupe de Cruella d'Enfer. Depuis, elle repousse les Dalmatiens comme un basilic repousse les araignées. Monde de la pub. Cho Chang, égérie de la marque Kleenex, aurait reçu des lettres de menace. En effet, le GUIM, le groupe des utilisateurs intensifs de mouchoirs, aurait revendiqué son remplacement par leur présidente, Madame Larme aux yeux. On se retrouve bientôt pour encore plus de scoops. Demain, arrive à mourir. On vous a raconté qu'un certain mage noir est de nouveau parmi nous. Il y a 14 ans, Voldemort avait une multitude de gens sous ses ordres. La preuve que le Seigneur des Ténèbres est de retour est irréfutable. Il n'est pas de retour. C'est un mensonge. Le Seigneur des Ténèbres approche. Harry. Si Voldemort constitue une armée, je veux me battre. On forme une sorte d'armée de sorciers. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Le documentaire moldu de la cinquième biographie de la saga Harry Potter dans les salles obscures le 11 juillet 2007. Les documentaires moldus. Dans cette rubrique des documentaires moldus, donc pour une fois, enfin pour la première fois, on va pas vraiment vous parler des films, on va plutôt discuter du parc. Donc comme vous le savez, ou comme vous allez le découvrir maintenant, un parc d'attractions sur le thème d'Harry Potter va voir le jour en 2010. Le monde enchanteur de Harry Potter. Alors c'est à Orlando, en Floride, dans les studios Universal que sera placé ce parc. C'est Stuart Gregg, le décorateur des films, qui est entre autres à l'origine du projet avec les gens d'Universal, bien sûr. J.K. Rowling a aussi été associé dès le début au projet pour pouvoir donner son avis sur tout ce qui va être fait là-bas. Exact, c'est elle qui regardait les plans et qui décidait si... Enfin, si ça allait ou pas, quoi. Et apparemment, ce qu'elle a vu, apparemment, ça lui a beaucoup plu. Voilà. Alors, pour l'instant, il y a une seule attraction qu'on connaît dans ce parc, c'est qu'il y aurait la Ford Anglia. Donc, on aurait l'occasion de voler dans la voiture des Weasley. À part ça, c'est le grand secret de ce qu'il y aura et ce qu'il n'y aura pas. On a eu droit à 3 photos, mais c'est tout. Bah, on sait déjà qu'il y aura a priori la nourriture Harry Potter. Donc, ouais. Ça, c'est on pourra déjà... peut-être boire de la bière au beurre. On sait aussi qu'on pourra visiter les grands lieux de l'univers magique. Donc, Poudlard, bien sûr, l'école. On pourra visiter Pré-au-Lard aussi. Mm-hmm. Je sais pas si ce serait bien. Et la forêt interdite. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on aura le droit au ministère ou l'hôpital Saint-Mangouste ou des trucs dans le genre? Moi, ça m'étonnerait parce que l'avantage de Poudlard, la forêt interdite et Pré-au-Lard, c'est que géographiquement, c'est très proche. Et donc, c'est normal que tu puisses effectivement marcher de l'un à l'autre, alors que le ministère et Saint-Mangouste, c'est à Londres. Et du coup, tu peux pas aller à pied de Poudlard à Saint-Mangouste. Et puis là, tu transplanes. Ce serait vraiment pour les... Ce serait vraiment pour les... Honnêtement, si là, ils voulaient faire transplaner, là... Ouais, là, c'est banco, ils ont le monde en toque chez eux. Ils trouvent une sorte de système pour faire, hop, t'as transplané, tout d'un coup, tu te retrouves au ministère, et waouh, t'es dans le grand hall, la fontaine et compagnie, quoi. Ouais. En même temps, je pense pas que ce soit vraiment prévu parce que le ministère, Saint-Mangouste, tout ça, ce sera vraiment pour les très grands fans qui. Et puis bon, le parc, il est quand même prévu pour tout le monde et bon, tout le monde n'a pas lu les livres, donc même en regardant les films, le ministère, pour le moment, on le voit qu'une fois, donc je sais pas s'ils ont intérêt à investir tellement d'argent là-dedans, quoi. Ce sera surtout Poudlard et. Quitte à investir de l'argent, moi, je préférerais qu'ils fassent Poudlard et qu'ils le fassent bien. Justement, on en parlait, les passages secrets derrière les tableaux. Ouais. Celui de la sorcière borne pour aller jusqu'à Pré-au-Lard. Enfin, des choses comme ça qui seraient beaucoup plus marrantes. Tout à fait. Alors donc, en soi, vous en pensez quoi, l'idée d'un parc d'attractions Harry Potter? Qu'il faut évidemment, aller visiter. Bah oui, il faut aller le visiter dans le sens où on se dit « Ah oui, encore, ils font de l'argent sur le dos de... » Oui, bon, bien sûr, mais soyons honnêtes, en 2010, nous, on sera... On n'aura qu'une envie, c'est d'aller à Orlando. Hein. Et puis même, je veux dire, ils font de l'argent, encore heureux qu'ils font de l'argent. Enfin, je veux dire, c'est leur travail, quoi. Je vois pas où est le problème. C'est pas plus... Ouais, mais bon, quand donc, Universal... Moi, le fait qu'ils fassent de l'argent, ça me dérange pas. C'est juste que, honnêtement, pourtant, je suis un fan des produits dérivés. Je veux dire, là, j'ai à un mètre de moi une peluche Edwige et tout. j'ai pas le sentiment que c'est dans un parc d'attractions que je vais réussir à vraiment vivre l'univers Harry Potter. Et pour moi, c'est pas dans un grand 8 que je vais me sentir comme « Waouh, je suis dans le monde magique inventé par J.K. Rowling ». Ouais. C'est vrai que s'il nous plante... Entre ça et le « à tous les coups », on va forcément se taper des « Oh, viens voir, il y a un monsieur qui est déguisé en Dobby ». Dans l'ensemble, je suis pas super chaud parce que, on va, ouais, effectivement, on verra, On verra ce château et on verra les magasins, mais ce sera forcément beaucoup moins bien que ce qu'on s'imagine, ou même que ce qu'ils peuvent montrer dans les films. Dans les films, t'as toujours des petits trucs un peu partout, et là, je pense que on n'aura pas, je sais pas moi, on n'aura pas le coup du paquet de cartes qui se mélange automatiquement, posé là par terre et tout. Donc, il y aura quelques trucs qui feront magique, comme ils font toujours dans les parcs d'attraction, mais à mon avis, ce sera... Enfin, moi, je m'attends sincèrement à être déçu. Donc, à moins qu'ils arrivent à nous faire jouer au Quidditch ou quelque chose comme ça, je suis un peu... En même temps, l'histoire du Grand 8, bon, ok, c'est sûr que c'est pas ça qui va nous donner l'impression d'être dans le monde d'Harry Potter, mais bon, Grand 8, c'est sûr qu'il en faut, c'est dans un parc d'attractions. C'est un parc d'attractions, voilà. Après, ce qui est un peu... Enfin, ce qui est sympa, c'est un peu l'univers bah, comme Disney, quoi. C'est qu'il y aura le château, c'est que ce sera les décors, en fait. Enfin, je vois ça plutôt comme l'univers du parc Astérix, par exemple, nous, en France. Parce que là, on prend vraiment un thème et on décline. Tu vois, ouais, je suis d'accord, mais justement, dans le parc Astérix, moi, quand je suis dans le tonnerre de Zeus, ça s'appelle le tonnerre de Zeus, mais à part ça, ça n'a rien à voir avec Astérix. Tout à fait, mais quand tu te balades dans les petites maisons, oh, t'as l'impression de te retrouver dans le village. Ouais, c'est marrant, mais, c'est mais l'univers d'Astérix étant tellement moins détaillé que celui d'Harry Potter, je pense que, enfin, s'ils arrivent à ce qu'on soit vraiment dans le monde d'Harry Potter, là, effectivement, très bien, mais je doute que, d'une part, il y a la technologie suffisante, et que d'autre part, ils aient... ils arrivent à ce que ce soit au point de ce que j'imagine, ou même de ce qu'on a vu dans les films. Mais quelque part... Je sais pas. Est-ce que, par exemple, on va avoir des tableaux qui bougent au mur? Bah oui, c'est la question que je voulais poser. Des faux hologrammes, mais à mon avis, ça aura rien à voir avec ce qu'on peut voir dans les films. Attends, franchement, s'ils font Poudlard et qu'ils font pas des gens qui bougent dans les tableaux, ça sert à rien. D'accord, mais comment est-ce qu'ils font des gens qui bougent dans les tableaux? Mais oui, ça sera une poser écran, une sorte d'écran dans le tableau et ouais derrière une sorte de film qui passe derrière le. Et bah du coup l'écran. Là on verra vraiment la différence. Ça fera plus du tout tableau. Enfin, c'est pour ça que je dis que je pense pas que la technologie soit là pour l'instant pour réussir à vraiment imiter tout ce que J.K. Rowling a inventé. C'est aussi ça l'intérêt de son monde, c'est que s'il y a plein de choses dans le monde sorcier que dans le monde moldu on peut même pas imaginer. Mais ils font des choix, comme dans les films, ils font des choix sur ce qu'ils adaptent et sur ce qu'ils adaptent pas. Le plan des tableaux, quitte à reprendre des exemples moldus, prenez la maison hantée de Disney, tu vois des trucs dans les tableaux qui apparaissent au-dessus de toi et tout ça, donc... Je pense que miroirs, rien que le fait de voir le château de l'extérieur reproduit un peu comme on le voit dans les films, ça doit être déjà quelque chose d'assez grandiose, quoi. Après, c'est sûr que dans le détail, ce sera peut-être pas aussi... Mais j'ai l'impression qu'il sera pas aussi grand. Je sais pas, moi, tellement grand avec toutes les tours et tout, au septième étage, machin. Ils peuvent pas faire un château de cette taille-là, quoi. Ça sera vraiment tellement énorme. Mais il y a certaines pièces qui seront accessibles et il y a d'autres parties qui seront jamais construites. Hein. Il parlait du bureau de Dumbledore, enfin, c'est même pas encore sûr qu'on y ait accès, mais... À mon avis, ce sera vraiment des pièces très basiques, genre la salle commune, la grande salle, le bureau de Dumbledore, ce genre de choses. Ah, et question ! Croyez-vous qu'on aurait accès à, par exemple, la salle commune des Serres d'Aigle ou des Poufsouffles ? Non, moi je pense pas. Ah bah je trouverais ça dommage. Ce serait quand même bien. Ah, moi ça, je trouverais que ça serait une valeur ajoutée, par exemple. Bien sûr, mais bon... Si à moins qu'on découvre les salles communes dans le top 7, ça, on sait pas, enfin, ça m'étonnerait. Mais ça serait sympa, ça. Et on se dit qu'en plus, c'est JKR. JK Rowling avait pu donner des détails en plus. Ce serait pas mal. Les toilettes de Mimi Gemarn aussi. Ah ouais, les toilettes de Mimi Gemarn. Avec, tu sais, l'eau qui refoule des WC. Ah ouais, ça serait marrant. Et des bruits dans les canalisations, des toc-toc-toc, je sais pas. La chambre des secrets, ça serait pas mal aussi. Ouais. Voilà. Mais non, moi, c'est presque... Quand, Bruno, tu parlais d'esprit tout à l'heure, l'esprit d'Harry Potter, en fait, moi, je me dis que quand on est dans une file d'attente, en attendant fébrilement notre livre, qu'on voit des gens habillés en élèves de Poudlard de partout, et que là, derrière nous, il y a le Magicobus qui passe, je trouve qu'on est encore plus dans l'esprit Harry Potter que si on voit des gens en short, en sandales, en train de bouffer en train de manger des paquets de frites plus grands qu'eux. Enfin, je sais pas, ça fait moins esprit Harry Potter, quand même. Hein. On va quand même pas se plaindre du fait qu'il prévoit un parc reprenant l'univers d'Harry Potter, quoi. Je veux dire, ce sera sûrement pas parfait, il y aura sûrement des... Nous, on aura sûrement plein de critiques. Du doute, mais on aura sûrement plein de critiques parce qu'on est vraiment à fond dedans, mais les gens normaux, on va dire, verront pas tout ça, quoi. Ils verront que le positif et que ce qui a été fait et pas ce qui a pas été fait ou ce qui a été mal fait. Donc non, moi je pense que ça va être sympa, même si... Et puis évidemment... Oui, mais... Ouais. Je suis d'accord avec toi, mais en fait, je suis un peu déçu que J.K. Rowling ait accepté de faire ça comme ça et qu'elle n'ait pas... Enfin, parce que je te dis, ça ne me paraît pas possible de faire quelque chose à la hauteur de ce qu'elle a pu imaginer. Et du coup, ça me paraît un peu, ça me dérange un peu qu'elle ait dit oui. Mais les films sont pas non plus à la hauteur de ce qu'elle a pu imaginer, donc. Non, mais je pense qu'ils le sont déjà plus. Mais visuellement, les films visuellement, ils s'en sortent quand même très bien. Ouais, ils sont pas bien, à la hauteur dans le sens où il y a plein de coupures, il y a plein de choses qui manquent, mais dans le sens de la recréation du monde lui-même, ils sont plutôt bons, je trouve. C'est très visuel quand même. Il y a des trucs qui fonctionnent très très bien. Une voiture volante dans un film, ça pose pas de problème. Ouais, voilà, venons-en à la voiture volante. À votre avis, comment ça va se passer cette attraction? Parce que je vois mal la voiture des Weasley voler vraiment dans le ciel, quoi. Moi, je pense que non. Bah, une grue, ça va être une voiture sur des vérins hydrauliques saurait... avec un film qui passera autour, éventuellement en 3D. Ça va être ça. Hein. Non, apparemment, ce sera quand même. Enfin, ce sera au bout d'un bras robotisé, et du coup, ce sera un peu comme. Un peu comme les avions dans les manèges, sauf que ce sera beaucoup mieux, quoi. Mm-hmm. Ouais, ça reste à voir, quoi. Ouais. Et puis le sol cogneur, la... Ah si, ouais, ça, le sol cogneur, ça serait sympa, ça. Et puis tout ce qui est... Tu t'approches et tu reçois un coup. Ce qui est sympa aussi, c'est de se promener dans Préolard, à pouvoir aller manger aux Trois Balais ou des trucs comme ça, ouais. Ça, c'est super sympa. Prendre une chambre à la tête de Sandy. Voilà. Violette et Rose Mertin. Ouais. Et puis, ouais, c'est énorme. Ouais, se prendre une petite bière au beurre... à une table des Trois Balais, ça serait sympa. Puis je pense aussi tout plein de boutiques, enfin Zonko, tout ça, pouvoir acheter des bonbons par exemple, ou même ça va ressembler à un magasin de Quidditch, quoi. Quidditch, tout ça, je pense. Ah, ça c'est clair qu'en plus il y a de quoi faire de l'argent en faisant Préolard, hein, parce que toutes les boutiques ils vont en vendre des trucs. Hein, mais Préolard ou le chemin de traverse. Mais vous avez des idées d'attractions qu'il pourrait y avoir? Mais en plus, on pourra boire du jus de citrouille et manger tout ce qu'on mange là-bas. Les attractions. Attractions dans le sens choses à faire, pas choses à manger et à acheter. On pourra peut-être faire un tour à d'autres sombrales. Moi, je pense à ce niveau-là, on va pas trop avoir de soucis. Je pense au niveau donc décor, tout ça. Et comme on parlait de Préolard là et tout, manger, les boutiques et tout, je pense qu'il y aura pas trop de soucis. Ce qui me fait le plus peur, moi, c'est comme c'est les attractions, quoi. Genre la voiture volante des Weasley et tout ça. Je pense que ça va. Ce sera jamais comme dans les films ou dans les livres comme on a pu le lire, quoi. C'est là où moi j'aurais plus de mal, quoi. En fait, je sais pas ce qu'ils recherchent, s'ils cherchent à faire des manèges sensations fortes ou alors un truc vraiment familial. Mais bon, je pense que dans le familial, il y a possibilité, là c'est plus dans la visite, dans les... Après, sensations fortes, c'est vrai qu'en dehors d'un grand 8 avec la Ford Anglia, je sais pas vraiment. Ah bah, ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est qu'on t'enferme pendant 6 heures dans un placard sous l'escalier, et t'as ton cousin Dudley qui marche sur l'escalier et qui fait tout les araignées. Ah non, quelle horreur. Là, j'y vais pas. Non, par contre, le Quidditch, ça serait pas mal. Ouais, du Quidditch. Mais ça, ils y arriveront jamais. Assister à un match de Quidditch, ce serait l'idéal. Ah ouais. Mais il y aura des spectacles, c'est ça qui est super aussi. A priori... Des duels? Oui, des spectacles. Des duels sorciers, dans la rue. Ça serait pas mal. Mais bon, on verra bien. Ok. On verra bien. Donc rendez-vous en 2010 à l'inauguration du parc pour aller jeter un coup d'œil là-bas dedans et le visiter. Avec plaisir. Violette et Rosemary attendent les chicaneuses. À la tienne. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah, Rosie, où es-tu? Ah, ma chère Violette, heureusement que t'es là. Et t'as vu qu'ils débarquent ici tous les 4 matins? Quoi? Ils viennent ici tous les jours? Mais pourquoi? Ces créatures-là sont mieux cachées dans les montagnes. Bah, au départ, c'est aussi ce que je me suis dit. Écoute, tu manques à tous mes devoirs, là. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? J'ai un petit hydromel de derrière les facots, tu m'en diras des nouvelles. Il faut absolument que je te raconte comment je l'ai eu. Non, mais d'abord, que font ces monstres dans ton bar? Ah, ces deux trolls là? Bah, ils accompagnent Cornelius Fudge partout où il va. Tu le crois, ça? Pas croyable. Partout? Partout? Bah, comme je te dis. Écoute, un jour, je les ai vus débarquer avec ces deux armoires à glace là. Il a essayé de les faire rentrer ici. Il a dû les pousser avec leurs propres courtins pour leur faire passer la porte. D'abord, ils ont commencé par me casser les lustres avec leurs grandes têtes. Et ensuite, avec leurs bras énormes, ils ont détruit toute ma décoration intérieure. Bref, je suis allée voir Fudge pour qu'il les fasse sortir. Comme si Chapeau Melon avait encore besoin de garde du corps. Il n'est même plus ministre. Que dis-je? Il ne travaille même plus au ministère de la magie. Exact, mais tu te doutes bien que c'est pas les premières choses que je lui ai dites. Hein. Ces deux-là sont des vrais dangers publics. Bon, ils cassent un peu moins le mobilier maintenant, puisqu'il n'y a plus rien à casser, mais bon, il faut fuir tous les clients. Oh, écoute, ça me rappelle cette triste époque. Ah, là, là. C'était il y a bien longtemps. Pourtant, la grosse dame s'en rappelle comme si c'était hier. Ah bah oui, hein. Comment veux-tu oublier cet étranger? Il patrouillait toutes les nuits dans le village, tous les clients avaient fui Bréolard. C'était déjà de la faute de Flutch et voilà, il recommence maintenant. Mais pourquoi se faire accompagner ainsi? À croire qu'il a encore des problèmes avec les gobelins. Ah, je sais pas, hein, mais toujours est-il que ces démons ont dévoré toute ma réserve de tarte à la menace sans même payer ce qu'ils me devaient. Ça aussi, ma Rosie, je t'avais prévenu. Ce n'est pas parce que monsieur est un ancien ministre qu'on ne doit pas le faire payer comme tout le monde. Oui, bon, mais... En plus de ça, et j'ai été obligée d'aller au marché de Bréolard à 4h du matin dimanche dernier pour refaire le stock. Oh, y a pas des gens louches à cette heure-là? Louche ou pas louche, ça m'a permis de trouver ce délicieux hydromel que tu es en train de boire, une véritable trouvaille. Mmh. Écoute, j'ai ramené 12 tonneaux à un prix super avantageux d'ailleurs et ça n'a pas échappé à quelqu'un en particulier. Qui donc? Bah devine, qui donc peut venir ici assez souvent pour être au courant de toutes les rentrées de ma cave? Mister Spark, ça ne peut être que lui. Bingo. Bah d'accord, c'était pas trop difficile à deviner, hein. Il passe tellement de temps ici qu'il a une chaise à son nom. Et il aurait des vues sur ton hydromel? Bah, plus que des vues. Il m'en a réservé 2 tonneaux sur le champ. J'espère que Mrs. Park l'apprendra. Je n'ai pas encore le cœur de lui dire que son mari fait souvent des fêtes ici avec ses amis. Et la dernière fois, ils ont cassé la moitié des tables et j'ai même dû le mettre à la porte en le faisant léviter. Il était saoul comme un elfe de maison qui aurait abusé de bière à beurre. Entre lui et ses trolls, tu n'es pas gâté en ce moment. Il faudrait que tu arrives à te débarrasser soit des uns, soit de l'autre, là. Ah ben, bien sûr, t'as raison, mais bon, je veux pas que mon pari finisse par ressembler à la tête de sanglier, là. Hein. Alperfort, il a reconnu que mon hydromel était de grande qualité, mais c'est pas une raison pour que les trois palais soient le repère des monstres et de Monsieur Spark. Alors, il ne reste qu'une solution. Prévenir Mrs. Spark et avoir une vraie discussion avec Fudge. Interdire l'entrée aux êtres de plus de 3 mètres en prétextant une histoire d'architecture. Et si tu veux, je me charge de Mrs. Park. Ah, ma fille, t'es une vraie amie, toi. Écoute, si on arrive à sortir de là, je t'offrirai une bonne bouteille de vin d'elfe et on la boira ensemble à la santé de ta plus forte. Il se sera récupéré tout ce petit monde. Et regardez là, les deux. Ils sont là à me fixer d'un air mauvais avec leur gourdin énorme. Tu sais, un jour, ils risquent de s'attaquer à ton tableau. Finis nos petits rendez-vous potins. Ah non, jamais de la vie. On ne les laissera pas nous faire ça, hein. Mais tu sais, je crois qu'on va être obligé de passer au plan B. Oh, le survie. Où tu passes? Cox, directrice de communication de la Gazette. Je pense que Mr. Weasley va mourir, Rogue va mourir, Lord Voldemort va mourir et aussi malheureusement Harry. Et côté survivant, Hermione, parce que les filles intelligentes, ça survit toujours. Et puis, bien sûr, les jumeaux Weasley, parce qu'ils sont trop sexy. Bonjour, je suis Toufi, développeur web de la Gazette du Sorcier. Alors, ceux qui ont des chances de mourir, à mon avis, c'est Voldemort. Ensuite, peut-être Harry. Probablement pas Ron, Hermione. Et je pense que c'est pas possible que Hagrid meure. Après... On verra bien le 21 juillet. Si vous aussi voulez participer au Survie ou Trépasse, alors envoyez-nous un message sur Skype sur gazette-du-sorcier. La fabuleuse histoire des sorcières racontée aux enfants par Tonton Stan. Avec la participation de Stan Rocade, contrôleur du Magicobus. Tonton Stan, ouais! Bonjour les enfants! Après quelques absences, on repart pour la merveilleuse histoire des grands sorciers de ce monde. Bien sûr, quand on dit grands, ça ne veut pas dire qu'ils sont spécialement grands. Par exemple, celui dont on va parler aujourd'hui, eh bien, il n'est pas vraiment grand. Ce serait plutôt le contraire. Pas vrai, Orne? Il est tout petit, joufflu et poilu, comme un rat. Et ouais, parce qu'en fait, il a la possibilité de se métamorphoser en rat. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui on va parler de rongeurs, de trahison et de lâcheté. Parce que je vais vous raconter l'histoire de Peter Pettigrew. Peter est né quelque part en Angleterre aux alentours de 1960. Nous ne connaissons ni la date, ni ses parents. Par contre, quand il était jeune, Peter était un petit garçon grassouillet. Peter Pettigrew. Si, un garçon empoté. Quand Peter arrive à Poudlard, il se fait 3 amis, Sirius Black, James Potter et Remus Lupin. Sauf que Pettigrew est quelqu'un de très peureux et qui n'est pas doué d'autant de talent que ses amis. Donc il se contente de les suivre partout. Quand il découvre la vérité sur Lupin, James et Sirius l'aident à devenir un animagus. En 5e année, Peter parvient donc à se transformer en rat et adopte le surnom de Queue de Verre. Pourquoi Queue de Verre? Tout simplement parce que sa queue, quand il est transformé en rat, ressemble à un ver de terre. Et c'est avec ses mêmes amis, durant leurs escapades nocturnes, qu'il crée la carte du maraudeur. À sa sortie de Poudlard, Peter reste ami avec ses trois compagnons d'école. Mais un puissant mage noir est en train de semer le trouble dans la communauté sorcière. C'est à ce moment-là qu'est créé le premier ordre du Phénix, que Peter et ses amis ne tardent pas à rejoindre. D'ailleurs, son ami James Potter et la famille de ce dernier deviennent l'une des principales cibles de vous savez qui. C'est à ce moment-là que quelqu'un les trahit. Quelqu'un informe l'arme machin chouette de l'endroit où les Potter se cachent. Quelqu'un de proche, un ami, puisque seul le gardien du secret connaît le lieu. James et Lily meurent des suites de cette trahison, mais pas leur fils. Quant au mage noir, il meurt plus ou moins. Le traître est en fait Sirius Black, leur ami de toujours. Il était leur ami. Il les a trahis. Il était leur ami! Peter, fou de chagrin, va tenter d'arrêter Sirius. Mais comme je vous le disais au tout début, il n'a pas le talent de ses amis. Et Sirius le réduit donc en miettes, en tuant 13 moldus au passage. Black est foncièrement mauvais. Il n'a pas tué, petit gros. Il l'a détruit. Un doigt. C'est tout ce qui restait, un doigt. De Peter, il ne restait plus qu'un doigt qu'on donna à sa maman. Il est mort en héros le 1er novembre 1981. Et a reçu l'ordre de Merlin, première classe, à titre posthume. C'est triste comme histoire, pas vrai les enfants? Pourtant, va falloir vous y faire, parce qu'il y a beaucoup de grands sorciers qui ont connu une triste fin. Encore pire que celle de Peter Pettigrew. Mais vous pouvez ranger vos mouchoirs, parce que c'est pas fini pour aujourd'hui. En fait, la mort de Peter Pettigrew est restée la version officielle pendant plus d'une dizaine d'années. Pendant 14 ans pour être exact, jusqu'à ce que le ministère comprenne. Mais vous savez comment ils sont longs à la détente ceux-là, hein? Donc reprenons avec la véritable histoire de Pettigrew, celle que peu de gens connaissent. Peter était bel et bien membre de l'Ordre du Phénix, mais contrairement à la première version, ce n'est pas Sirius le traître, mais lui. Très bien, tu le... Mais attends, encore une minute, Harry a le droit de savoir pourquoi. Je sais pourquoi! Vous avez trahi mes parents! Ils sont morts à cause de vous! Non, Harry, ce n'était pas lui. Quelqu'un a trahi vos parents, c'est vrai. Mais ce quelqu'un dont il s'agit, il y a encore quelques heures, je pensais qu'il était mort. Alors qui est-ce? Peter Pettigrew. Et il est dans cette pièce, en ce moment! Sors vite, Peter! Et oui, Peter n'a pas beaucoup de talent. C'est pour ça qu'il aime avoir des amis plus puissants que lui, comme James, Sirius et Remus. Mais quand vous savez qu'il se met à rallier d'autres personnes à sa cause, Peter... Un sorcier faible, lâche et sans la moindre once de vaillance ne prend même pas la peine de résister, craignant d'être tué. C'est ainsi qu'il devient espion. Tu as vendu James et Lily à Voldemort aux ennemis. Je ne voulais pas les trahir. Mais le mage noir, vous n'avez pas aidé des armes qu'il possède? Si tu avais été à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait? J'aurais préféré mourir. C'est à se demander comment il a fait pour atterrir dans la maison Gryffondor. Après la mort des Potter, Sirius s'est mis à sa recherche et lorsqu'il a enfin retrouvé Peter, il n'a rien eu le temps de faire. Peter a commencé à crier que Sirius avait trahi James et Lily, puis il a fait exploser la ruelle, tuant les 13 moldus. En fait, Peter avait déjà tout organisé. Au moment de l'explosion, il s'est transformé en rat afin de s'enfuir par les égouts, en laissant derrière lui un doigt qu'il s'était coupé. Tout le monde a cru à sa mort, tous sauf un, Sirius. Qui fut emprisonné à Azkaban. En réalité, il poursuit sa vie sous forme de rat. Il se trouve une famille de sorciers, les Weasley, pouvant ainsi rester en contact avec la communauté magique pour savoir ce qui s'y passe. Se faisant appeler Croutard, il devient le rat de Percy, puis celui de Ron à sa rentrée en première année à Poudlard. Il mène une vie plutôt tranquille, en fait il passe son temps à dormir. Il dort même dans le dortoir de Harry Potter, celui qui a osé détruire son maître, mais à aucun moment il n'ose agir contre lui. Car avant de pouvoir faire quelque chose, il veut avoir la certitude du retour de son maître, afin que ce dernier puisse le protéger. Alors qu'il en est à sa 12e année de vie de rat, sa routine va être chamboulée. Premièrement, par l'évasion de Sirius Black, le seul à connaître la vérité. Et ensuite, par le nouvel animal de compagnie d'Hermione Granger, Patanron, un chat. En réalité, Patanron a vite fait de comprendre que Croutard n'est pas vraiment un rat. Et il va donc aider Sirius à coincer le rongeur, sans y parvenir. Pour la deuxième fois de sa vie, Peter va faire croire à sa mort. Il s'arrache quelques touffes de poils et laisse quelques traces de sang sur les draps de Ron, lui laissant croire que Patanron l'a attaqué. En réalité, il vit caché dans la cabane d'Hagrid. C'est à la fin de l'année scolaire, en juin 94, que Sirius parvient finalement à l'attraper et l'entraîne dans la cabane hurlante. Peter est aussi trahi par la carte du maraudeur, car Lupin, professeur à Poudlard et en possession de cette carte ne tarde pas à les rejoindre. Je l'ai retrouvé, je l'ai retrouvé, je sais, ici, je comprends, tuons-le. La vérité est mise à nu devant Harry, Ron et Hermione. Lupin et Sirius, ses anciens amis, sont bien décidés à en finir avec lui. Ils s'apprêtent à le tuer quand Harry les en empêche, afin que Peter soit conduit à Azkaban. Peter, tu aurais dû savoir que si Voldemort ne te tuait pas, nous le ferions. Ensemble, non! Mais alors qu'ils sont sur le chemin du retour, Peter se transforme en rat et parvient à s'enfuir. Cette fois, plutôt que de se cacher, il part en quête de son ancien maître, vous savez qui. En s'informant auprès de ses compagnons rongeurs, il ne tarde pas à le localiser en Albanie. Au même moment, il tombe sur Bertha Jorkins, employée au ministère de la magie. Par ruse, il réussit à l'emmener vers son maître. Finalement, Bertha va se révéler être une véritable mine d'informations. En août 94, Cuthbert réussit à donner un corps à son maître, bien qu'encore très faible. Puis tous deux retournent en Angleterre. Il passe son année à prendre soin de son maître, en le nourrissant d'un mélange de venin de serpent et de sang de licorne. Urk. Puis, le 24 juin 1995, le plan de son maître arrive enfin à sa fin. Cette nuit-là, Harry Potter et Cédric Diggory arrivent au cimetière où ils sont attendus par Cuthbert et vous savez qui dans sa forme encore rachitique. Sous les ordres de son maître, et sans aucun tressaillement, Peter tue Cédric. Puis il prépare la potion qui fera renaître son maître. S'automutilant, il coupe sa main droite et la jette dans la potion. En guise de récompense, celui dont on ne doit pas prononcer le nom lui offre une main en argent. Moi, je suis revenu. Par crainte, pas par loyauté. Et cependant, tu as su te rendre utile au cours de ces derniers mois, que de faire. Merci, maître. Merci. Peter Pettigrew est clairement redevenu mange-mort, mais son maître n'a pas une très grande confiance en lui. Il sait très bien qu'il est revenu pour éviter ses anciens amis. Il se voit donc confier des missions sans grande importance, comme assister Severus Rogue durant l'été 96, bien qu'il passe le plus clair de son temps à écouter aux portes. Nous arrivons donc à la fin de cette aventure. Aventure sans fin, puisque je ne sais pas encore ce qui l'attend, mais soyez-en sûrs, bientôt vous aurez toutes les réponses. Alors on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures avec encore plein d'autres sorciers. D'ici là, restez sages et surtout, ne lancez de sortilages à personne et méfiez-vous des rats. A bientôt les enfants! Voilà, on arrive à la fin de ce cinquième épisode de La Rythme et on espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à l'enregistrer. Donc, vous pourrez retrouver La Rythme sur le site ritm.gazettedusorcier.com et sinon, vous pouvez laisser vos commentaires sur le forum spécialement dédié à La Rythme. Vous pouvez également nous contacter par email à ritm@gazette-du-sorcier.com et nous laisser un message audio sur Skype. Contactez le pseudo gazette-du-sorcier. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.